Cependant, Madame Lefrançois alla sur le seuil, regarder si l'hirondelle n'arrivait pas. Elle tressaillit. Un homme vêtu de noir entra tout à coup dans la cuisine. On distinguait, aux dernières lueurs du crépuscule, qu'il avait une figure rubiconde et le corps athlétique. « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur le curé ?» demanda la maîtresse d'auberge, tout en atteignant sur la cheminée un des flambeaux de cuivre qui s'y trouvaient, rangés en colonnade, avec leurs chandelles. « Voulez-vous prendre quelque chose ? Un doigt de cassis ? Un verre de vin ?» L'ecclésiastique refusa fort civilement. Il venait chercher son parapluie, qu'il avait oublié l'autre jour au couvent d'Ernemont, et, après avoir prié Madame Lefrançois de lui faire remettre au presbytère dans la soirée, il sortit pour se rendre à l'église où sonnait l'Angélus. Quand le pharmacien n'entendait plus sur la place le bruit de ses souliers, il trouva fort inconvenant sa conduite de tout à l'heure. Ce refus d'accepter un rafraîchissement lui semblait une hypocrisie des plus odieuses. « Taisez-vous donc, monsieur Homais, vous êtes un impie, vous n'avez pas de religion. » Le pharmacien répondit « J'ai une religion, ma religion, et même, j'en ai plus que tous, avec leur momerie et leur jonglerie. J'adore Dieu, au contraire, je crois en l'être suprême, à un créateur quel qu'il soit, peu m'importe, qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos devoirs de citoyens et de pères de famille. Mais je n'ai pas besoin d'aller dans une église, baiser des plats d'argent et engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous. Car on peut l'honorer aussi bien dans un bois, dans un champ, ou même en contemplant la voûte éthérée, comme les anciens. Mon Dieu, à moi, c'est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de Béranger. Je suis pour la profession de foi du vicaire savoyard et les immortels principes de 89. Aussi, je n'admets pas un bonhomme du bon Dieu qui se promène dans son parterre à la canne à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de 3 jours. Choses absurdes en elles-mêmes et complètement opposées d'ailleurs à toutes les lois de la physique. Ce qui nous démontre en passant que les prêtres ont toujours croupi dans une ignorance turpide où ils s'efforcent d'engloutir avec eux les populations. Il se tut, cherchant des yeux un public autour de lui, car, dans son effervescence, le pharmacien, un moment, s'était cru en plein conseil municipal. Mais la maîtresse d'auberge ne l'écoutait plus. Elle tendait son oreille à un roulement éloigné.